Le mensonge comme on le connaît sur la Terre, c'est rien de moins banal. Mais le mensonge au niveau systémique, c'est l'inhabilité ou c'est dû à l'inhabilité d'une espèce de venir en contact avec une autre sans être soumis par elle. Donc le mensonge cosmique est absolument essentiel pour empêcher que l'homme sur la Terre devienne un esclave. Si le mensonge n'existait pas, les mensonges systémiques n'existaient pas. L'homme deviendrait un esclave, si les forces des mondes parallèles venaient en contact avec lui. Pourquoi? Parce que l'homme est un être mortel. Étant un être mortel, il est régi par les lois sataniques de la crainte, de la désinformation. Et les lois du contrôle de l'information par les forces luciférienne. C'est ça qui donne sa condition, et c'est ça qui est responsable pour ce que vous appelez la condition humaine, que les philosophes ont toujours cherché à comprendre. Le renversement de cette condition-là se fera lorsque l'homme viendra en contact avec la force de la lumière. Mais venir en contact avec les forces de la lumière demandera de la part de l'homme de se libérer du principe de la croyance, qui est le premier effort d'un ego intelligent pour renverser les lois du mensonge cosmique dans sa conscience personnelle. À partir du moment où l'homme aura réellement compris ça, l'homme commencera à se protéger des forces occultes. Et quand il se sera parfaitement protégé des forces occultes, ce sera très très facile pour les forces occultes de venir en contact avec lui, parce qu'il n'y aura plus aucune altération de son aura. L'évolution de la sixième race racine, la septième race racine. Ça fait que c'est pas pour nous autres, encore. On est encore après décider, nous autres, si le Québec va être indépendant ou non, tu sais. Je veux simplement vous créer des contrastes pour vous faire comprendre, pour vous faire réaliser. Occupez-vous de vos santé, l'argent que vous avez dans votre compte, puis ensuite de vos amours. Si vous faites ça dans cet ordre-là, puis vous ne mettez pas trop d'importance des forces dans l'occulte ou les sciences occultes, vous allez apprendre à vous protéger malgré vous-même. Même des forces occultes est tellement grande que vous en seriez totalement ébahis. Et pas pour les raisons que vous pensez, mais parce que les lois occultes qui doivent être découvertes font partie de ce processus-là. Un homme ne peut pas ne pas haïr les lois occultes. Donc, un homme ne peut pas être contre le mensonge et en découvrir les lois puis l'origine. C'est ça qui amène l'homme à ça. Donc, ça va faire quoi l'évolution de la conscience évolutionnaire? Ça va faire quoi la psychologie évolutionnaire au cours des siècles? Ça va permettre à l'homme de revenir à ses origines. À ses origines, ça veut dire quoi? Que l'homme connaîtra le mystère de sa création. Qu'est-ce qui l'a créé? Qu'est-ce qui l'a fait? Où est-ce qu'il a commencé? Sur quel plan était-il déjà construit avant de s'incarner en terre? Qu'est-ce que ça veut dire être un homme? Qu'est-ce que c'est une âme? Ça vient d'où une âme? C'est quoi la longévité d'une âme, temporellement? Ça dure-tu forever, une âme? Ou est-ce que ça se transmet pour devenir autre chose? Puis une âme, quand c'est transmuté, ça devient quoi? Est-ce que ça demeure simplement une matière ectoplasmique? Ou est-ce que ça se cristallise dans une énergie totalement solide, équivalente à ce que l'on se trouve sur la Terre et dans des mondes parallèles? Est-ce qu'une âme, c'est quelque chose qui nous sert personnellement, ou est-ce qu'une âme, c'est quelque chose qui est vitalement et cosmiquement lié à un principe éternel que vous appelez vous autres Dieu, mais que d'autres intelligences ou que d'autres niveaux de conscience appellent des alephes, ou que d'autres niveaux d'intelligence et d'autres niveaux de conscience appellent des éternels? Qu'est-ce que ça veut dire, un éternel? Autrement dit, l'homme doit en arriver au cours de son évolution à pouvoir constater, sans aucune sans aucune faille. Que la construction psychologique d'une pensée, c'est équivalent à la destruction mentale d'un ordre de grandeur. Et que l'univers du mental fait partie de ce qu'on appelle les architectures du monde invisible. Et les architectures du monde invisible font partie de la constitution psychologique ambiante du mental égoïque de l'homme, telle que vous connaissez dans le soir quand vous rêvez. Quand vous rêvez, vous dites, qu'est-ce que ça vient, cette crise de rêve-là? Ça vient d'où, ce rêve-là? J'aurais jamais pensé à une affaire de même. Ça fait partie des architectures du mental. Il y a autant d'architectures du mental qu'il y a de plans infinis. Il y en a 7 plans infinis. Ça fait que ça vous donne une idée qu'on n'est pas même au début de la constitution psychologique d'un ego et de la construction psychologique d'un moi à partir des plans qui en sont originellement responsables. Ça veut dire qu'on a très peu d'idées de ce qu'on est, et on a très peu d'idées de ce qu'on deviendra. Mais si on commence à s'occuper de ça, ben là, on capote. Là, on tombe dans la malade. Fait que moi, je vous dis, occupez-vous pas de ces affaires-là. Occupez-vous de votre santé, de votre petite économie, puis de vos amours. L'homme apprend à se détacher de l'occulte. De la même manière que l'homme apprend à rentrer dedans. Vous apprenez à rentrer dedans par curiosité, puis vous allez apprendre à vous en détacher par écœurement. Pas parce que c'est pas intéressant. Mais parce que vous devez respecter vos temps. Respecter votre temps. Vous êtes dans un corps matériel. Quand vous serez en forme astrale, ce sera un autre temps. Quand vous serez en conscience morontielle, ce sera un autre temps. Mais respectez le temps dans lequel vous êtes. Sinon, vous allez vivre un déphasage. Puis si vous vivez un déphasage trop grand, mais vous allez vivre une grande tristesse dans votre vie. Parce que votre âme, elle sera plus capable de suivre votre intelligence. La seule raison pour laquelle je ne capote pas, moi, c'est parce que je ne pense pas. C'est pour ça que je suis safe. Mais c'est vrai que je pense, je l'ai fait. Fait que vous autres, vous pensez, fait qu'arrangez-vous pour vous frotter. Moi, j'ai pas de problème à regarder ce qui se passe dans l'invisible. Ça me dérange pas mal. 10 ans, 100 ans, 10 000 ans, je pense pas. Ça n'a aucune valeur pour moi. C'est même pas de la connaissance. C'est simplement de télépathie avec eux autres. De commencer à penser à ça, je l'ai fait. C'est pour ça que j'ai pas d'écran mental. Je ferme mes yeux, je vois rien. Pas comme ma femme, les grandes télévisions. Moi, je vois rien. Fini. Quand je ferme mes yeux, moi, je vous regarde, voilà, vous êtes devant moi, là. Je ferme mes yeux, je vous reconnais même plus. J'ai même pas l'image mentale, là, ce que vous regardez, vous ressentez. Fait que c'est ça qui me protège. Fait que la relation entre l'ego et les fortegueux, c'est une relation qui est intelligente, intéressante, c'est une relation privilégiée dans le temps, mais c'est une relation que l'homme doit, avec le temps, apprendre à manager, à gérer. Intelligent. Puis apprenez une fois pour toutes que le seul être qui est important dans votre vie, c'est vous autres. Fait que vous finirez pas comme les gars en Californie. Le seul, ça n'existe pas un homme plus important que vous. La journée où vous perdrez notion de ça, qu'il y a un homme plus important que vous, qu'il y a un homme qui en connaît plus que vous, vous êtes fait à l'os. S'il est moindrement occulte, puis s'il est moindrement sous le signe de la domination, il va vous avoir. Il y en a parmi vous autres qui ont eu des bonnes expériences à ce niveau-là. On connaît ça, les lois de la domination, hein? Les gens qui sont dans l'occulte, c'est pas du mauvais monde. C'est même du bon monde. C'est qu'ils ne connaissent pas les lois occultes. Sur le plan psychologique, on connaît les lois. On connaît les lois de la police, on connaît les lois de l'Église. On sait quoi faire, on sait pas quoi faire. On sait ne pas quoi faire. On sait qu'on ne vole pas, on sait qu'on ne tue pas. On connaît les lois sociales. Mais sur le plan occulte, on ne connaît pas. Faut donc voir les policiers et dire, ben, ils m'ont dit que... Voyez ce que va dire le policier. Tu vas avoir raison. Si vous avez des enfants, des jeunes qui n'ont pas d'identité parce qu'ils sont trop jeunes, puis à cause de leur expérience, qui sont un petit peu trop connectés à des individus qui ont trop sur eux autres de pouvoir de manipulation. Checkez-les, regardez-les, fermez pas les yeux. Attendez pas que ce soit trop tard. La police est là, utilisez-la. On est drôle, les gars. Aussitôt qu'on s'intéresse à l'occulte, là, aux sciences ésotériques, là, on dirait qu'on devient anti-establishment. La médecine est plus bonne, la police est plus bonne, l'église est plus bonne. Faites belle attention parce qu'un jour, vous allez être obligé de revenir à ces choses-là puis réaliser que c'est là que l'homme peut se protéger le plus contre des formes de manipulation qui souvent sont très dangereuses. Un jeune, il n'y a pas d'expérience. Fait que checkez-les vos jeunes. Surtout ceux qui s'intéressent à ces choses-là puis qui rentrent dans des cercles. C'est le début de pas croire. Ça fait partie de pas croire. Je vais laisser une petite période de questions. Oui.